Le porte-parole du comité pour la réunification pacifique de la patrie a répondu le 24 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée en ce qui concerne le fait que les autorités sud-coréennes accusent notre possession nucléaire comme la cause d'annulation de l'accord Nord-Sud. En voici le résumé. Il y a quelques jours, les fonctionnaires du ministère de l'Unification ont assurément indiqué dans les dossiers sur la position relative à la déclaration commune du 15 juin que notre nucléaire détruit l'esprit principal de l'accord Nord-Sud et empêche les rapports intercoréens. Les presses conservatrices et les spécialistes du Nord aussi s'y joignent pour faire bruit autour de notre essai nucléaire et de notre lancement de roquettes balistiques qui, selon eux, ont mis en rupture le dialogue, les échanges et la collaboration entre le Nord et le Sud. C'est un tour impudent des autorités sud-coréennes visant à nous rejeter la responsabilité de la crise des rapports Nord-Sud et à justifier leur politique de confrontation avec notre République et aussi un affront insupportable contre l'esprit principal de l'accord Nord-Sud. L'annulation de l'esprit principal de l'accord Nord-Sud et l'actuelle crise des rapports intercoréens sont dues non à notre dissuasion nucléaire de défense légitime et à nos roquettes balistiques, mais à la bande de Pakonnet qui recourt à la traîtrise en caressant le rêve chimère d'isoler et d'étrangler ses compatriotes à l'aide des forces étrangères. En fait, dès le premier jour du pouvoir, s'affairant à la servilité pro-américaine et à la confrontation fratricide, la bande conservatrice sud-coréenne a profané osément la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, traduisant le vœu et l'aspiration de tous les compatriotes comme dossier pro-communiste favorable à l'ennemi et mis au jour même le registre du sommet Nord-Sud pour ses objectifs politiques malsains. C'est toujours la bande de Pakonnet, horde scissionniste, qui a clôturé sur tous les plans la zone industrielle de Kaesong, symbole de la réconciliation et de la collaboration Nord-Sud, et produit du 15 juin. De plus, la bande de Pakonnet a introduit de nouveau en Corée du Sud, il y a quelques jours, le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi, le bombardier stratégique B-52H, ainsi que d'autres moyens de frappe nucléaire stratégique des États-Unis pour nous menacer manu militari et amener la situation au seuil de la guerre nucléaire. La bande de Pakonnet ne peut jamais se débarrasser de la responsabilité d'avoir dénié et annulé complètement les accords Nord-Sud, ni éviter le jugement sévère de l'histoire et de la nation.